quickly go through the rest. Message, they are not so long. Heute geht, gehen wir durch die restliche Predigt, die nicht mehr so lang ist. Aujourd'hui, on continue avec le message qui n'est pas vraiment long. That we started on Sunday, which is Christ our protection. Die wir am Sonntag angefangen haben, Christ ist unser Schutz. Le message que nous avons commencé la semaine passée, qui est Jésus-Christ notre protection. You allow the Lord to protect you. Du lässt zu, dass der Herr dich beschützt. C'est toi la personne qui permet que Jésus-Christ te protège. He always wants to protect us. Er will uns immer beschützen. Il veut toujours nous protéger. From all the lies of Satan. Von all den Lügen Satans. Et tous les mensonges. He always wants to protect us. Er will uns immer beschützen. Il veut toujours nous protéger. Through the different bondages everywhere on earth. Von den ganzen verschiedenen Gefangenschaften dieser Welt. Il veut nous protéger de toutes les captivités de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. But you are to allow him. Ja, du musst es zulassen. Tu dois le permettre. He can only protect those that allow him to protect them. Er kann nur die beschützen, die zulassen, dass er sie beschützt. Il peut seulement protéger les gens qui permettent qu'il le protège. He is not a killer. Er ist kein Mörder. Il n'est pas une personne qui tue. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If he is a killer, he will not bring Jesus to die for us. Wenn er ein Mörder wäre, dann würde er keinen, würde er nicht Jesus bringen, um uns von zu sterben. Et s'il était une personne qui tue, là, il n'allait pas amener Jésus-Christ pour qu'il soit mort pour nous. If he is a killer, he will not come and pay the price himself. Wenn er ein Mörder wäre, dann würde er den Preis nicht selber für uns bezahlen. Et s'il était un massacreur, là, il n'allait pas payer le prix pour nous pour qu'on soit délivré. If he is a killer, he will not use his own blood. Wenn er ein Mörder wäre, würde er nicht sein eigenes Blut benutzen. Et s'il était un massacreur, là, il n'allait pas utiliser son propre sang. Praise the Lord. Alleluia. Allow him to protect you, please. Lass zu, dass er dich beschützt. Permet qu'il te protège. It is true that, you know, when problem comes, it's either we open the door for Satan, or Satan is against us. Wir wissen, dass wenn Probleme kommen, es ist, weil wir entweder dem Satan die Tür öffnen oder weil der Satan gegen uns ist. C'est vrai qu'on sait que si quelque chose arrive, que soit on ouvre la porte pour le diable ou bien le diable est contre nous. Amen. Please don't open the door for Satan to come in. Bitte öffne dem Satan nicht die Tür, um reinzukommen. S'il te plaît, ne ouvre pas la porte au diable pour qu'il entre. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Also, please let us also beware of the tradition of men or of religion. Wir müssen uns in Acht nehmen vor den Traditionen der Menschen, Religion. Et on doit faire aussi attention de tout des traditions et coutumes de l'homme ou de la religion. If your heart is full of tradition, you are fighting against Christ. Wenn dein Herz voll von Traditionen ist, kämpfst du gegen Christus. Et si ton cœur est rempli de traditions, là tu combats le Christ. Amen. Amen. He said, your tradition makes the word of God of none effect. Because of your tradition, the word of God is powerless. Macht das Wort Gottes kraftlos wegen deiner Tradition. Et la Bible nous dit qu'à cause de vos traditions, la parole de Dieu est pas puissante. We should learn to hate the tradition of men. Wir sollten lernen, die Tradition der Menschen zu hassen. Et on doit apprendre de détester la tradition de l'homme. Amen. Amen. The tradition of man, the tradition of religion, they are the tradition of Satan. Die Tradition der Menschen, die Tradition vom Satan, sind die Tradition vom Satan. Et les traditions de l'homme et les coutumes de l'homme sont, mais de la religion sont des coutumes du diable. Amen. Amen. Through it, you can open the door for Satan to come in. Und dadurch kannst du dem Teufel Türen öffnen, um reinzukommen. Et à travers de ça, tu peux ouvrir la porte pour le diable pour qu'il entre. And through their system, you can open the door for Satan to come in. Und durch ihr System kannst du die Türen für den Satan aufmachen, um reinzukommen. Et à travers de ce système, tu ouvres aussi la porte au diable. You know, it's their system. You know, the good of this world, the joy of this world, the peace of this world. Das Gute dieser Welt, that's their system. Das ist ihr System. Et le système de ce monde est par exemple la paix de ce monde, le bien de ce monde ou bien la joie de ce monde. Amen. Amen. Tradition, you know how we were brought up. It's concerned mostly how our parents brought us up. What they said we should be forbidding. Mm-hmm. das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, was sie uns verboten haben. Oui, la façon comment nos parents nous ont éduqué, les choses qu'ils ont interdites, ce sont toutes les traditions de l'homme. Amen. The Benins, they have a lot of tradition. In Benin gibt es viele Traditionen. Au Benin, il y a beaucoup de traditions. Amen. You know, a lot of us have been brought up with it. Und viele von uns sind damit aufgewachsen. Et beaucoup de nous sont ont été éduqués avec ces traditions. The Lord wants us to grow out of them. Aber der Herr will, dass wir da rauswachsen. Mais l'Éternel veut qu'on sorte de ces traditions. Amen. You know, I thank the Lord in this house, Papa and myself, you know. In so many homes today, they still greet their traditional greetings. For example, if they wake up in the morning, that's how we greet in Nigeria, in Benin. The Benin have their different tribes of some are related to the Oba, some are related to idols. Both the ones that are related to idols and the Oba, they are all evil. You understand me? Mm-hmm. Some will say Lamogun, some will say Laviezi, some will say Labo. There is always the different tribes have their own greet, the way they greet. In Nigeria, haben verschiedene Stämme ihre verschiedene Art und Weise, wie sie sich grüßen. Morgens. It's not just good morning. Oder abends grüßen. Und dieser Gruß gilt dann immer entweder den Vorfahren oder den König oder irgendwelchen Göttern. Mm-hmm. Et au Bénin, il y a aussi des tribus différentes qui ont des systèmes comment se saluer les matins. Par exemple, ils ont une façon de commencer leur journée à travers de saluer leur Dieu ou leur idole. Amen. You know, I thank Jesus that Papa and myself, right from the beginning, we never greet like that. Amen. For us, it's always Christ morning. Good morning for us. Our good morning is Christ morning. Because the only good is Christ. Yeah. Amen. It's blessed money because our blessing is Christ. Yeah. Wir haben immer, wir haben damals schon nicht uns mit diesen traditionellen Grüßen grüßt und auch jetzt erst recht nicht, weil unser guten Morgen ist immer Christus gewidmet und niemand anderem, keinem anderen Menschen oder Gott. Et je remercie l'Éternel que nous n'avons jamais utilisé la façon de bénir comment on peut saluer les gens parce que pour nous, si on dit toujours bonjour, il s'agit seulement de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la seule personne qui est bon. I've heard, you know, I've been to some the so-called God people's house. They still greet those greetings. Amen. I've heard them greeting their parents like that. You know, tradition should be well. Amen. Because I don't know let's go to Matthew 15 again, please. Matthew 15. What is Matthew 15? Praise the Lord. Verse 6. Matthew 15, verse 6. Look at verse 6. Matthew 15, verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. He said, we will come here again, but let us first of all go to this seat. He said, and honor me, honor not his father, or his mother. He shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Your tradition dilute, make the word of Christ, the word of God weak. It cannot work. Machen das Wort Gottes schwach. Es funktioniert dann nicht. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Christ has his own tradition. Christus hat seine eigene Tradition. Et Christ a sa propre tradition. Let's go to 2 Thessalonians 2. 2 Thessalonica 2. 2 Thessaloniciens 2. Praise the Lord. Amen. You know, before this time, we've heard also that when people travel abroad, they no longer greet the greeting that I just talked about. It's not because we are in Europe. It's because we now belong to Christ. And that's why we are saying no to it. Are you getting it? Amen. Yeah, and einige Leute sagen das ja, weil sie die Heimat verlassen haben und nicht mehr zu der Tradition und Kultur der der ihrer Heimat gehören, deswegen grüßen sie sich nicht mehr so, aber es ist nicht wegen der Distanz, die wir uns zu unserer Heimat, physischen Heimat haben, sondern es geht um Christus, deswegen entscheiden wir uns nicht mehr nach unserer Heimat und nach unserer irdischen Kultur zu wandeln. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui disent la raison pour laquelle ils n'utilisent plus leur salutation, c'est parce qu'ils ont émigré à un autre pays, mais ça, c'est pas la raison pour laquelle on n'utilise plus cette salutation, c'est seulement à cause de Jésus-Christ. We no longer greet those greetings because we belong to another kingdom. Mm-hmm. Wir grüßen nicht mehr so, weil wir ihm which is called the kingdom of heaven. Königreich gehören, was das Königreich des Himmels heißt. Mm-hmm. On n'utilise plus cette salutation parce que nous appartions au Royaume des Cieux. You know, the new kingdom, that is their greeting. Are you getting something? They have their greetings. Haben die Leute ihr kulturellen Gruß? Et au Bénin, ils ont aussi leur salutation culturelle. Amen. Mm. We now belong to the kingdom of heaven. Aber wir gehören jetzt nicht mehr zum Königreich von Bénin, sondern zum Königreich des Himmels. Amen. Mais nous n'appartions plus au royaume de Bénin, mais seulement au royaume des cieux. Mm. Where it's all about Christ alone. Où est-ce que Christ aussi est good? Où il s'agit seulement de Jésus-Christ. In Bénin kingdom, it's about you. Bénin Königreich geht um dich. Au royaume de Bénin, il s'agit seulement de toi. It's about your forefathers, their forefathers. Il s'agit de tes ancêtres. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. The second Thessalonians 2 verse 15. In 2 Thessalonians 2 verse 15. It said, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our epistle. Do you see it there? He said, hold fast to the tradition that you have been taught. Christ has his own tradition. Christ hat seine eigene Tradition. Wir sollen dieser Tradition festhalten. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. He also has his own doctrine. Let's go to Matthew 7. Lehre, Matthieu 7. Et Jésus-Christ a aussi sa propre doctrine, et on va le dire dans Matthieu 7. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 28 et 29. 28 et 29. Verset 28 et 29. Matthieu 7. 28 et 29. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. Praise the Lord. For he taught them as one, having authority, and not as the scribes. Praise the Lord. The Lord has his own doctrine. Der Herr hat seine eigene Lehre. Eternal hat sa propre doctrine. Which is also our doctrine. Die auch unsere Lehre ist. Die aussi notre doctrine. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Let's go to one of their doctrine. Und lass uns zu einem ihrer Lehren gehen. Et on va voir maintenant une de leurs doctrines. Amen. Amen. There are many. They have a lot of traditions. They have a lot. Amen. They have a lot of doctrines. Amen. But let's go to one. Let's go back to Matthew 15, please. And let's see something, what the Lord said here. Matthew 15. Praise the Lord. The Lord said we should be warned against tradition. Der Herr sagt, wir sollen gewarnt sein vor Tradition. Et l'Éternel nous dit qu'on doit faire attention de nos traditions. Amen. That is, through it you open the door for Satan to come in. Denn dadurch öffnet man dem Satan die Tür, um reinzukommen. Parce qu'à travers cette tradition, tu ouvres le diable pour qu'il entre. Amen. Because my tradition is belong to Satan. It's coming from here. Or religious, the tradition of religious tradition, they are coming from Satan. So if you are in there, you have his own property. And you are dealing with his own property, that's Satan's property. Wenn du in diesen Traditionen bist, dann hast du es mit dem Besitz des Satans zu tun, bist in seinem Territorium. Parce qu'on doit savoir que les traditions de l'homme et de la religion sont toujours les traditions du diable. C'est ça pourquoi quand tu as ces traditions dans ta vie, là tu possèdes quelque chose du diable et c'est là où tu ouvres la porte au diable. Matthieu 15, from 1 to 6. Matthieu 15, verset 1 à 6. They came to Jesus, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders? You see that the tradition of the elders. They won't admit that is the tradition of their elders. Sie geben sogar zu, dass es die Überlieferung, die Tradition ihrer Ältesten ist. Et on peut voir que ils disent que ce sont les traditions de leurs ancêtres. For they wash not their hands when they eat bread. Are you getting it? That you don't wash, you know, that you don't wash your hands, they see it as a sin. Wenn du deine Hände nicht gewaschen hast, sehen sie es als Sünde an. Et si on peut voir que ils voient même le fait qu'ils ne lavent pas leurs mains, ça, ils le voient comme un péché. Verse 3. Verset 3. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother. And he that curseth father or mother, let him die the death. But you say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift. By whatsoever thou mightest be profitable by me. And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of no effect by your tradition. Praise the Lord. You know, here Jesus is saying something here. Ici Jésus-Christ dit quelque chose. Jesus is never about the flesh, but the spirit. Pour Jésus-Christ, il s'agit pas de la chair, mais seulement de l'esprit. And Jesus is saying here that if you really honor your father and your mother, you will honor the only true God. Jesus sagt, wenn ihr wirklich eure Mutter und euren Vater ehren würdet, dann würdet ihr den wahrhaftigen Gott auch ehren. Donc Jésus-Christ dit, si vous honorez vraiment vos parents, là vous allez aussi honorer le seul vrai Dieu. If you truly honor your father and your mother, you will know me. Vater und Mutter ehrt, dann werdet ihr mich kennen. Et si tu honores vraiment ta mère et ton père, là tu vas me connaître. Amen. You know, like Jesus, just like Jesus said in John 8. Let's go to John 8. We'll be coming here again. Go to John 8. John 8. Praise the Lord. Look at what, it's exactly what Jesus said here in John 8. Verse 39 and 40. On va lire Jean 8, verset 39 et 40, où Jésus-Christ parle encore aussi de Matthieu 15. Amen. Amen. Verse 39 and 40 said, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Are you getting it? Mm-hmm. If you truly honor your father, your mother, you will honor me. Donc Jésus-Christ nous dit ici dans verset 39, si vous honorez vos parents, là vous allez aussi m'honorer. Amen. In verse 40, he said, but now you see to kill me, a man that have told you the truth, 40. Which I have heard of God. This did not Abraham. Abraham did not do this. The same Abraham you claim as your father. Verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Donc ça montre que Abraham n'allait pas tuer Jésus-Christ. Donc ça veut dire que Abraham n'est pas leur père. Amen. I hope you understand what is going on here. Je crois que vous comprenez ce qui se passe. Et j'espère que vous comprenez la situation ici. He said, if you were truly Abraham's children, you will know me. Kinder von Abraham werden, würdet ihr mich kennen. Et ça montre aussi, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, là vous allez vous allez me connaître. Because Abraham knows me. He knows me. Denn Abraham kennt ihn. Parce que Abraham Look at it. Verse 56. 56. Verset 56. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. Amen. If you truly belong to Abraham, you will know me. Wenn ihr wirklich zu Abraham gehören würdet, dann würdet ihr mich kennen. Et ici on a écrit, si vous appartenez vraiment à Abraham, là vous allez se réjouir. Amen. Praise the Lord. Yeah. If you can do the least, you can do the much. Wenn du das Geringste tun kannst, dann kannst du auch das Große tun. Et si tu peux faire le peu, là tu peux faire aussi la grande chose. If you can do the least, then you can do the much. Wenn du das Geringe tun kannst, kannst du auch das Große tun. Si tu peux faire le peu, là tu peux faire aussi la grande chose. If you truly honor your parents, then you can honor the only true God. Deine Eltern ehrst, dann kannst du auch den einzigen wahrhaftigen Gott ehren. Et si tu honores tes parents, là tu peux aussi honorer le seul vrai Dieu. Amen. But no one honors the parents. Aber niemand ehrt seine Eltern. Mais personne honore ses parents. Because the honor in that they say they honor the parents is fake. Weil diese Ehre, die sie ihren Eltern geben, eine verfälschte Ehre ist. Parce que l'honneur qu'ils donnent à leurs parents est falsifié. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. So also, they are claiming Abraham as their father is fake. Genauso bezeugen sie Abraham als ihren Vater, das ist auch verfälscht. Et le fait qu'ils appellent Abraham leur père est aussi falsifié. In John, in Luke 16, verse 10. In Lukas 16, Vers 10. Luc 16, verset 10. Jesus said, if you can do the least, you can do the much. Jesus, wenn du das Geringste tun kannst, kannst du auch das Große tun. Jésus Christ nous dit que si tu peux faire le peu, tu peux faire aussi le grand. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, the love, everything here on earth, they are all fake. Alles hier auf Erden ist so verfälscht. Tout ici sur terre est falsifié. Amen. They will love you, but with their own kind of love. Sie werden dich lieben mit ihrer eigenen Liebe. Ils vont t'aimer mais avec leur propre amour. They want to be with you, but they have their hidden agenda. Sie wollen bei dir sein, aber sie haben ihr eigenes verborgenes Motiv. Ils veulent être avec toi, mais ils ont leur motif caché. They will never do anything that you know. There's nothing behind it. Sie werden niemals tun ohne einen. There's always evil behind it. Es gibt immer einen bösen Hintergedanken. Ils vont jamais faire quelque chose sans avoir un motif mauvais. Donc il y a toujours quelque chose de mal derrière leur cœur. Amen. And if you see parents training their children, think they love them. It's all about themselves. Eltern siehst, die ihre Kinder sozusagen erziehen, denkst du, dass es Liebe ist, aber es geht nur um sie selbst. Et si tu vois la façon comment mes parents éduquent leurs enfants, tu vas penser même que c'est l'amour, mais non, il s'agit seulement d'eux-mêmes. You know, in Africa, we were talking about it some time ago that people, you know, parents have a lot of children so that they can help them their farm work. You can see the evil motive behind it. They are looking for laborers. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass in Afrika die Leute viele Kinder bekommen, weil sie dann die Hilfe auf dem Feld haben. Und das ist halt ein bösartiges Motiv, um Kinder zu bekommen, weil sie suchen einfach nach Arbeitern, nach Hilfskräften, kostenlose. Et oui, en Afrique par exemple, la raison pour laquelle ils ont beaucoup des enfants, c'est pour que ces enfants aident. Oui, de travail sur le champ. Donc, il s'agit seulement des motifs mauvais ou bien, des motifs mauvais. Look at the, you know, Christ, he even say it here. Look at it in Hebrew 11, Hebrew 12, sir. Hebrew 12, please. From verse 9. Hebrew 12, verse 9. He said, furthermore, we have had father of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the father of spirit and live? For they verily, for a few days, shall stand us after their own pleasure. your own pleasure. Nach ihrem eigenen Amen. It's always about them. Not even about those children. Amen. He said, but he for our profit. It's only true God that is there for you. Nur der wahrhaftige Gott ist da für dich, nicht das Fleisch. Mm. He said that we might be partakers of his holiness. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, beware of their tradition. Nimm dich in Acht vor ihren Traditionen. Fais attention de leur tradition. Amen. Their tradition fight Christ's word. Ihre Tradition bekämpfen das Wort von Christus. Parce que leur tradition combat la parole de Jésus-Christ. Because it is flesh. Weil es Fleisch ist. Parce que c'est charnel. Amen. If you go to Matthew 15 again. Wenn du lire encore Matthieu 15. Look at it. Matthew 15. Please go there again. Matthew 15, verse 7 to 9. Matthieu 15, verses 7 and 9. Praise the Lord. Mm-hmm. Matthew 15, verse 7 to 9. It says, you hypocrites, where did Isaiah prophesy of you? Say, these people draw nigh unto me with their mouths and honored me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And the commandment that fight the word of Christ. Die das Wort von Christus bekämpfen. That is verse 6, please. Amen. Praise the Lord. Les commandements de l'homme sont des commandements qui combat le Christ. Amen. And please let us stop mixing things. Lass uns aufhören, Dinge zu vermischen. On doit arrêter de mélanger des choses. It is not Christ and how I was trained. Es ist nicht Christus und wie ich erzogen wurde. Es sind pas le Christ et la façon dont j'ai été éduqué. No, it is Christ. And you know, I was brought up this way. Mm-hmm. Amen. Is it that Christ or just follow the way you were brought up? Es ist entweder Christus oder du folgst dem Weg, wie du erzogen worden bist. Aber du kannst nicht beides vermischen. Et soit il s'agit seulement du Christ ou bien tu suis la façon comment tu as été éduqué, mais tu peux pas mélanger tous les deux côtés. It is Christ alone. Es ist Christus alleine. Il s'agit seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. For example, respect of man. Zum Beispiel, dass man Menschen respektiert. Par exemple, la crainte de l'homme. Amen. Praise the Lord. We correct people in Christ and not in tradition. Wir belehren Leute in Christus und nicht in Tradition. On corrige l'homme en Christ et pas dans nos traditions. Praise the Lord. Earlier we know that it is not about the adult and the young. It's not about black and white. It's not about man or woman. It's about Christ and Satan. The better for us. Wir wissen, dass es nicht um Mann und Mann gegen Frau oder Schwarz gegen Weiß oder Jung gegen Alt geht, sondern um Christus gegen Satan, so besser für uns. Et on doit savoir que il ne s'agit pas de vieille ou jeune ou bien noir ou blanc ou bien homme ou femme, il s'agit seulement c'est toujours entre le Christ et le diable quand tu corriges une personne et tu dois les savoir. Amen. Praise the Lord. Please, you know the respect of a man. For example, if we go there in the book of James, you will see. Amen. He said, if you have respect for a person, you commit a sin. And we learned last week that the Lord is no respecter of a person. Amen. He does not walk after man, respecting of a man. But that is how we should never walk after respecting of a man. In Jakobus lesen wir, dass wer einen Menschen respektiert oder höher achtet als einen anderen, der sündigt gegen Gott. Und genauso ist es auch, dass wir halt Christus die Ehre erweisen und halt nicht Menschen die Ehre erweisen. Dass wir Menschen nicht ansehen, weil sie mehr Geld oder Ansehen und Macht haben, sondern es geht nur um Christus. Christus haben oder nicht haben. Et on doit même savoir que dans Jacques, on a écrit que Dieu n'a pas de respect pour des personnes, donc il ne fait pas la différence. Et c'est ça pourquoi, même nous, si on ne doit jamais faire la différence entre les gens, si on corrige ou bien si on... Oui, nous, sommes, nous avons des gens devant nous. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Satan is very clever. Satan est très clever. Parce que le diable est vraiment intelligent. He loves tradition of men and religion. Tradition des mens et religion. Il aime la tradition de l'homme et de la religion. In Matthew 10 verse 16. Let's go there. Matthew 10 verse 16. Matthieu 10 verse 16. Jesus said, he said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. He said, Satan is wise. Be wise as serpents. He's talking about Satan and not your snake. Donc, la Bible nous dit ici que le diable est vraiment intelligent et il ne s'agit pas du serpent, mais il s'agit vraiment du diable. Amen. Amen. The Pharisees, they were experts in tradition. Et les pharisiens étaient des experts s'il s'agissait de tradition. Amen. They were experts in it and Christ warned us against them. Und Christus hat uns seriously, warnt. Matthew 16. Et Jésus-Christ nous a vraiment dit qu'on doit faire attention des traditions de l'homme. Matthieu 16. Matthieu 16. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu 16, Matthew from 5 to 12. Matthieu 16, verset 5 à 12. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said unto them, take heed, and beware of the leaving of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. Which, when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because you have brought no bread? Do you not yet understand, neither remember the five loaves of the 5,000? And how many baskets you took up, neither the seven loaves of the 4,000, and how many baskets you took up. How is it that you do not understand that I speak it not to you concerning bread, that you should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Verse 12, please. Then understood they how that he bade them not beware of the living of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Mm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, they were so much after their tradition. Die waren so hinter ihrer Tradition her. Ils ont vraiment été derrière leur tradition. Amen. They were holding on to their tradition, the tradition of their religion. Ils tenaient vraiment leur tradition vraiment fort. The Sabbath day. Le Sabbat. Le Sabbat. Amen. Amen. What people put on. Was Leute anziehen. Les choses que les gens portent. What people eat and drink. Was Leute essen und trinken. Ce qu'ils mangent ou ils portent. Amen. How they eat it. Wie sie essen. La façon comment ils mangent. Do they wash their hands before they eat or not? Remember Matthew 15. Sie vor dem Essen die Hände waschen, wie Matthäus. Ils lavent leurs mains avant de manger ou pas. Amen. It should be after Christ, please. Und sollte um Christus gehen. Wenn nun wir sollten hinter Christus her sein. Mais nous, on doit être seulement derrière le Christ. We close with Psalm 127. Let's go to Psalm 127. Psalm 1, the Lord, our protection, please. Herr, unser Schutz. Psalm 127, Jésus-Christ, notre protection. Praise the Lord. Amen. Psalm 127. Psalm 120. Psalm 127. Verse 1. 127, Vers 1. Verset 1. Praise the Lord. Amen, amen. He said, except the Lord build the house, yes, The labor is in that build it. Except the Lord keep the city, the watchman washeth but in vain. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. He is our protection. Amen. He is the doer of everything for us. Amen. We never do anything in vain. Because he is the doer of everything for us. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay. Praise the Lord. Amen. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so he giveth his beloved sleep. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Allow him to be your protection. Please. Lass du, dass euer Schutz ist. Amen. Amen. Christ is everything for us. Das ist alles für uns. Permet que Jésus-Christ soit ta protection. Including our protection. Tout pour nous, même notre protection. Est notre Schutz. Praise the Lord. Hallelujah. If the Lord be for us, who can be against us? Wenn der Herr für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Et si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? And he also said, one with him is majority. Er sagt auch, wer mit ihm ist, ist eine Mehrzahl. Et il dit aussi que si tu es avec lui, là tu es dans la majorité. You know, when Jesus was about to be crucified, als Jesus gekreuzigt werden sollte, avant que Jésus-Christ soit crucifié, then he said to them, he said, you will all run away from me. Hat er gesagt, ihr werdet alle von mir weglaufen. Il a dit, vous tous, vous allez fuir de moi. He said, but I'm never alone. Aber ich bin niemals alleine. Il a dit, je suis jamais tout seul. Praise the Lord. Yeah. You will all run away, but I'm never alone. Because one with he is majority. Il a dit que vous allez fuir, mais si tu es un avec Dieu, là tu es dans la majorité. Praise the Lord. Amen. Amen. So we finish and we will come here again next. Praise the Lord.